Yeah. Oh, oh, oh. Oui, j'avoue, j'ai merdé. Mais je suis pas parfait, je suis jeune et ma vie vient de commencer. Oh, oh, oh. Je savais pas, je t'avais fait du mal. Non, non, non. Avec le temps, j'aurais changé, laisse-moi te le prouver. Oh, oui. Juste fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mmh. Juste fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu m'as l'air méfiant. Fais-moi confiance. J'avais fauté quand j'ai vu tes larmes couler. I'm sorry. Mais c'est trop tard, ce qui est fait est fait. Oh yeah. J'ai pas les mots pour me racheter. No, no, no. Comment faire pour que tu m'aimes à nouveau? Oh yeah. Je ferai tout, oui, tout pour te revoir, me sourire. Yeah. Juste fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, tu m'as l'air méfiant. Fais-moi confiance, tu m'as l'air méfiant. Juste fais-moi confiance, tu m'as l'air méfiant. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Et ma vie vient de commencer. Oh, oh, oh. Je savais pas, je t'avais fait du mal. Non, non, non. Avec le temps, j'aurais changé, laisse-moi te prouver.